l'intention d'ouvrir un chantier de ma thèse, hein, ce chantier sur les enseignantes, voilà, qui est encore un peu d'ambition, donc vous m'excuserez si ce n'est pas encore parfaitement au point. Alors déjà, ce que je voudrais rappeler en premier lieu, c'est cette légende noire, hein, qui est encore associée aujourd'hui à la politique scolaire de la Révolution, hein, le fameux thème de la table rase, hein, l'idée que la Révolution aurait totalement détruit les institutions de l'Ancien Régime sans mettre en place les cadres d'une école nouvelle. Donc il y a une persistance de cette idée, malgré de nombreux travaux, surtout à l'échelle locale, hein, qui ont bien remis en cause ce jugement et qui ont montré justement les différentes pratiques scolaires expérimentées pendant la Révolution. Donc je vais essayer aussi de donner ma part à cette entreprise de réhabilitation un petit peu de la politique scolaire révolutionnaire. Alors, par ailleurs, si dans les premières années de la Révolution, il y a eu beaucoup d'initiatives issues notamment des sections parisiennes ou par exemple des sociétés populaires, notamment féminines, qui ont ouvert des écoles, il faut attendre Brumairen II, donc octobre 1793, pour que soient votés les premiers décrets relatifs à l'instruction publique de la Révolution. Donc du coup, mon propos commencera avant tout à cette date, hein, 93. Et j'irai, ici je fais aller la preuve révolutionnaire jusqu'au consulat, donc jusqu'en 1802. Puis on verra que pendant cette période, il y a eu différentes lois qui ont scandé la preuve révolutionnaire, j'y reviendrai. Donc de ces législations ont découlé la mise en place d'écoles publiques, hein, pour filles et garçons, qui étaient la plupart du temps non mixtes, hein, même si dans les campagnes, la mixité est parfois obligatoire, hein, du faible nombre à la fois d'instituteurs et d'élèves. Et donc ça aboutit au recrutement d'instituteurs et d'institutrices par l'État. Et moi, je vais particulièrement m'intéresser aux institutrices des écoles publiques. Hein, ici, je vais pas m'intéresser aux institutrices des pensionnaires, des institutions privées qui ont aussi fleuri pendant la Révolution. Donc la ville de Paris, qui Martine Sonnel a bien montré pour le XVIIIe siècle, avait déjà un réseau scolaire important, hein, continue de disposer d'un nombre d'écoles nombreuses, hein, c'est notamment les travaux de Raymond Monnier, hein, pendant la Révolution française, qui a bien montré le nombre important de ces écoles et des enfants scolarisés. Pour ma part, donc, je vais plutôt préciser mon propos sur la question du recrutement donc, des institutrices et de leurs conditions de travail. Alors, les sources utilisées, je disais, elles sont assez diverses et la plupart inédites. Donc, comme je l'ai dit, c'est plutôt un chantier. Donc, j'ai vu pour l'instant que les archives nationales, les archives municipales de Lyon et de Marseille, et puis les archives de Paris. Mais il y a encore du travail à faire. Alors, il y a bien sûr donc, les lettres et pétitions à l'institutrice, hein, qui vont jouer un rôle important dans nos propos. Par ailleurs, on dispose de nomenclatures d'institutrices, notamment à Paris. Où il y a leur nombre d'élèves, l'adresse de leurs écoles, etc. Je vais bien sûr m'appuyer sur les textes législatifs, les circulaires, les arrêtés, à la fois, enfin, tous les échelons, hein, au niveau administration centrale, départementale, municipale. Il y a aussi les rapports de visite des écoles par les autorités locales, les procès-verbaux des séances des jurys d'instruction publique, des différentes localités, hein, qui sont des sources très précieuses, leurs réponses notamment aussi aux questionnaires qui sont envoyés par les comités d'instruction publique pour se rendre compte en fait, de l'état de l'éducation. Et puis enfin, les certificats de civisme et de bonne mœurs des institutrices. Alors, le questionnement qui guidera mon propos est de savoir si la profession d'institutrice, qui est perçue par les contemporains comme un travail propre à la nature féminine, entre guillemets, c'est donc à savoir si cette profession, dans le contexte révolutionnaire, a donné pour autant la possibilité à certaines femmes de transgresser des normes de genre. Alors je vais faire un plan en deux parties. Dans une première partie, je vais vraiment interroger le recrutement des institutrices républicaines, avec à la fois les lettres de demande d'emploi, ensuite l'organisation progressive d'un système de recrutement étatique, puis enfin j'interrogerai si les examinations pour être instituteur et institutrice sont égalité entre les sexes ou non. Et puis en deuxième partie, j'intitulerai vraiment la question des institutrices au travail, avec une bonne part sur la question des salaires, hein, qui est une question fondamentale, je pense, et puis ensuite sur des pratiques de la vie scolaire. Alors, commencer donc le recrutement des institutrices républicaines. Alors, on dispose aux archives nationales de lettres et pétitions de femmes qui sont adressées aux autorités afin d'obtenir une place d'institutrice dans les écoles publiques. Ces sources permettent de saisir certaines trajectoires professionnelles ainsi que les différentes stratégies choisies par ces femmes pour obtenir satisfaction à leurs requêtes. Parmi les femmes aspirant à devenir institutrice dans les écoles publiques, on peut repérer deux grandes catégories. La première est constituée par les femmes qui ont déjà exercé le métier d'enseignante avant la Révolution. Donc parmi elles, on trouve par exemple des enseignantes ayant exercé dans des établissements laïcs privés, soit en tant qu'employées, soit en tant que directrices d'institutions. Leur situation familiale est difficile à évaluer, même si on repère un nombre important de veuves et de femmes mariées à des instituteurs qui tiennent l'école avec elles. Les femmes ayant déjà enseigné peuvent être aussi des anciennes religieuses, qui avec la fermeture des couvents et des écoles privées chrétiennes ont perdu leur source de revenus. Quant aux religieuses qui n'ont pas quitté la vie, si elles avaient été, durant les premières années de la Révolution, employées dans des établissements soutenus par les pouvoirs publics, évidemment si elles ont, à la condition qu'elles aient prêté serment à la Constitution, elles étaient au même titre que les nobles, généralement écartées des places d'institutrices, donc à partir de 1793. La seconde catégorie concerne les femmes, le plus souvent issues des milieux populaires, qui n'ont jamais enseigné, et qui voient dans la profession d'institutrice un moyen de trouver enfin un travail stable, leur garantissant un logement et un salaire. Certaines de ces femmes le considèrent aussi comme un prolongement de leur engagement militant et patriotique, hein, du fait du caractère très politisé de la profession d'institutrice sous la Révolution. Donc le point commun enfin de ces deux catégories, j'ai généralement leur expérience de la précarité, voire de la misère, qui est évoquée de nombreuses fois pour justifier leur demande de place. C'est le cas par exemple de la citoyenne Laroche à Paris, qui dans une lettre datée du 17 Vendémiaire en 7, adressée donc à Barra, aux membres du directoire exécutif, motive en ces termes sa requête. Citoyen, je n'ai pas trouvé à m'occuper, j'ai été obligée de gagner ma vie en vendant les marchandises qu'on me confiait, mais depuis quelques mois j'ai perdu tout ce qui me restait, je n'ai plus rien que mes faibles talents que j'espère qu'on prendra en considération en m'employant au service de la République. Exclues de nombreux métiers par les hommes, les femmes issues d'une bourgeoisie désargentée ou de milieux populaires conçoivent comme une réelle opportunité cet emploi réservé explicitement par la loi aux femmes. Si l'expression de leurs difficultés financières est le moyen le plus couramment usité pour obtenir une place, on peut aussi repérer d'autres types de stratégies. La première vise à mettre en avant des qualités considérées comme féminines, censées s'accorder avec le métier d'enseignante. À l'inverse des professions comme ouvrière, par exemple, le métier d'institutrice, parce qu'il est conçu comme un travail, comme un prolongement pardon, du rôle de mère, est perçu pendant la période révolutionnaire comme un travail respectant les normes de l'identité féminine. Comme l'affirme par exemple la citoyenne Victoire Laporte de Belfort dans sa lettre adressée au comité d'instruction publique en 4 Tarnibeur en 3, juillet 1995, le métier d'institutrice est, je cite, pour les femmes un honorable emploi. Ainsi, dans cette pétition pour devenir institutrice, la citoyenne Talard de Paris, par exemple, proposant de venir se présenter aux membres du comité d'instruction publique, affirme, parlant d'elle à la troisième personne, « Elle ne vantera pas ses talents. Elle se bornera à faire observer que l'amitié qu'elle a naturellement pour les enfants, que sa douceur reconnue et surtout sa patience, peuvent convaincre les membres du comité que le choix qu'ils feront d'elle répondra aux intentions bienfaisantes de la Convention, pour les qualités nécessaires à l'éducation des enfants de la première classe. » Donc on voit modestie, amour naturel des enfants, douceur, patience, telles sont les qualités censées convaincre le comité d'instruction publique, selon du moins la citoyenne Talard. À l'inverse de la citoyenne Talard, la citoyenne Colin, qui est du district d'Issoudun, choisit de mettre en avant non pas les qualités traditionnellement attribuées aux femmes, mais au contraire de rappeler un récit de vie engagé politiquement et transgressif des normes de genre. Dans une lettre datée de 19 Ventosan III, donc en mars 1995, adressée au comité d'instruction publique, cette patriote formule sa requête en ces termes. Citoyens, depuis le commencement de la Révolution, moi et toute ma famille ont été au service de la patrie par les armes. J'ai reçu des coups de sabre au bras, et pourtant je n'ai jamais rien demandé à la République. Aujourd'hui, je réclame d'être institutrice. Ainsi, la citoyenne Colin, donc, malgré la loi du 30 avril 1793, qui, je rappelle, excluait les femmes de l'armée, hein, elle assume et même valorise son passé de soldate. Loin de, de présenter sa requête comme une doléance, hein, elle semble exiger ce qu'elle conçoit comme une récompense légitime hein, pour les sacrifices et les risques qu'elle a pris pour la République. Donc sa lettre témoigne d'une conception différente de, du rôle de l'institut républicaine, dont les qualités essentielles sont ici politiques, hein, ça serait le patriotisme et la ferveur révolutionnaire. Alors, ces lettres réclamant un emploi d'institutrice ne doivent pas laisser penser pour autant que le recrutement fonctionne principalement par une demande aux autorités. En effet, un système organisé de sélection des instituteurs et des institutrices s'est progressivement mis en place durant la période révolutionnaire. Alors, les premiers décrets sur l'instruction publique de Brumaire en deux, donc octobre 93, prévoyaient la mise en place d'une commission, je cite, composée d'hommes éclairés et recommandables par leur patriotisme et leur bonne mœur, qui avait notamment pour fonction d'examiner publiquement les candidats au poste d'institutrice et d'instituteur. Donc l'idée, c'était que cette commission, en fait, elle formait une, à partir de l'examen une liste de candidats éligibles qui étaient ensuite censés être élus par les pères et mères de famille de la ville. Cependant, deux mois plus tard, avec le décret Bouquier du 29 primaire en 2, donc décembre 1793, il y a une remise en cause de cette organisation de la sélection, puisque désormais toute citoyenne et tout citoyen ont le droit d'enseigner à la condition de déclarer à la municipalité ou leur section leur intention d'ouvrir une école, de préciser le contenu de leur enseignement et surtout de produire un certificat de civisme et de bonne mœurs. Ces mesures furent appliquées, du moins dans les sections parisiennes. Il faut attendre la loi du 27 Brumaire en 3, donc novembre 1794, pour qu'un système de recrutement soit à nouveau organisé et mis en pratique, et cela notamment par la mise en place des jurys d'instruction. Comme le note l'article 1er du chapitre 2 de la loi, les instituteurs et institutrices sont nommés par le peuple. Néanmoins, pendant la durée du gouvernement révolutionnaire, ils seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction, composé de 3 membres désignés par l'administration du district et pris hors de son sein parmi les pères de famille. Ces jurys d'instruction publique organisaient localement des concours pour le recrutement. Si plusieurs d'entre eux se plaignent du faible nombre de femmes qui se présentent à l'examen, ce dernier était pourtant ouvert explicitement aux deux textes dans toutes les affiches qui étaient placardées donc, sur les murs des villes. Pour saisir les modalités précises de cet examen, les procès-verbaux des jurys d'instruction publique constituent des sources précieuses. Le procès-verbal de la séance du premier niveau en 3, donc décembre 94, du jury d'instruction du district de Pithiviers, par exemple, précise notamment les personnalités publiques au concours, et là on se rend compte que c'est des personnalités assez importantes, hein, vu qu'il y a par exemple les représentants de l'administration du district, de la municipalité, les juges de paix, les représentants du tribunal civil, du comité de surveillance. Et il précise aussi le déroulement très solennel de l'examen. Donc, devant une réunion nombreuse, je cite, de personnes des deux sexes, est tout d'abord lue la loi, donc c'est la loi du 27 primaire, et les discours des membres du jury qui encensent la fonction d'instituteur et d'institutrice. Puis les candidats lisent successivement et déposent sur le bureau une épreuve d'écriture, d'orthographe et calcul. Enfin, ils présentent leur certificat de civisme et une attestation de bonne vie et de bonne mœurs, signée par 4 pères et mères de famille. Alors, ces certificats témoignent de l'importance de la moralité familiale. En effet, alors que le célibat est jugé contraire aux intérêts de la société nouvelle, le mariage et le fait d'avoir des enfants sont encouragés, car censés attester des mœurs républicaines des futurs instituteurs et institutrices. Cette dimension politique des mœurs explique qu'elle soit associée à l'attestation de patriotisme dans les certificats. Donc je vais vous en donner un exemple, hein, le certificat de la citoyenne Jeanne Joanny, épouse du citoyen Brière, hein, c'est un certificat qui date d'octobre 1994. Certifions qu'elle est mère de famille et qu'elle a toujours manifesté les sentiments les plus purs pour les principes de notre Révolution française et que nous connaissons qu'elle y est fortement attachée, nous vous la recommandons donc pour institutrice. Donc c'est signé par des pères de famille de sa localité. Ainsi, il est attendu de tous les futurs enseignants une relative maîtrise des savoirs élémentaires, un engagement clair en faveur de la Révolution et de bonne mœurs. Alors que les textes normatifs présentent l'examen comme égalitaire entre les deux sexes, l'étude détaillée des pratiques de recrutement à travers les procès-verbaux des jurys d'instruction permet de nuancer cette assertion. Et cela sous deux aspects. celui des mœurs et celui du niveau d'instruction. Pour la question des mœurs, on remarque par exemple que le critère de la réputation morale n'entre en compte que pour les femmes. Par exemple, le jury examinant la citoyenne Estienne Veuvray à Marseille, ce jury donc juge inapte cette femme pour le rôle d'institutrice car il estime, je cite, que sa réputation n'est pas satisfaisante. Il ajoute pour préciser sa pensée, l'on dit qu'elle vaque d'un domicile à un autre. Donc cet extrait démontre que l'assignation des femmes à un foyer est une des conditions nécessaires à la sauvegarde des bonnes mœurs, que la simple rumeur, le fameux on dit, peut entacher. Tout comme les critères de sélection relatives aux mœurs, le niveau d'instruction attendu par les jurys d'instruction peut aussi varier selon les sexes. Alors, il est d'abord nécessaire de rappeler que les jurys d'instruction, surtout issus des zones rurales, évoquent des grandes difficultés pour trouver des institutrices compétentes. C'est très récurrent dans les sources. Ils évoquent d'ailleurs comme explication l'exclusion des religieuses qui, auparavant, se chargeaient en grande partie de l'éducation sous l'Ancien Régime, et que voilà, il y avait du coup un nombre très restreint de femmes disposant des savoirs élémentaires. Certains jurys demandent donc aux autorités centrales s'ils peuvent pallier ce manque en confiant les petites filles à des instituteurs et donc en tolérant la mixité dans les écoles, pourtant interdite par la loi. Mais face à ces difficultés, d'autres jurys revoient à la baisse leur exigence en termes de savoir pour recruter des institutrices. Par exemple, alors que les travaux manuels que la loi prévoit d'enseigner aux filles ne figurent généralement pas dans l'examen des candidates, certains jurys mettent en avant la maîtrise de l'aiguille au détriment d'autres savoirs pour appuyer leur choix de recrutement. Donc par exemple, il y a un procès-verbal du jury d'instruction de Marseille, qui est daté du 27 Germinal an 4, mars 96. On peut lire que la citoyenne Marguerite Manchet, si elle sait très peu d'arithmétique, a l'avantage d'exceller dans les travaux manuels et mérite donc une place. Donc la conception de l'éducation des filles, axée moins sur le savoir que sur l'apprentissage de travaux dits propres au sexe, intervient donc dans le choix des institutrices. On remarque qu'à la toute fin de la période révolutionnaire, les autorités affirment très clairement que les exigences d'instruction sont moindres pour les femmes. Le préfet de la Seine, en l'an 10, recommande au maire du 6e arrondissement, par exemple, de n'être pas aussi sévère pour les femmes pour ce qui concerne l'examen des capacités. Donc les difficultés pour recruter des institutrices compétentes, évoquées pour justifier l'inégalité des critères d'instruction entre les sexes, n'ont cependant pas abouti à la mise en place de formations pour les futures enseignantes des écoles publiques. Pourtant, dès les premières années de la Révolution, circulent des pétitions réclamant l'ouverture d'écoles visant à combler les lacunes des futures institutrices. On a par exemple la pétition de la citoyenne Valincourt à Paris, qui en l'an 2, en janvier l'an 2, donc en 1993, supplie la Convention d'ouvrir enfin un établissement gratuit en faveur des femmes qui se destineraient à devenir institutrices. L'absence de tel établissement, tout comme le fait que les femmes n'étaient pas, à ma connaissance, admises aux éphémères écoles normales de l'an 3, je ne sais pas si vous avez plus d'informations sur le sujet. Ah oui, j'en ai. Ah bon, alors voilà, moi j'ai pas vu d'exemple de femmes qui sont dans ces écoles. Laissa pour un grand nombre de femmes comme solution, une solution très simple, celle d'apprendre sur le terrain. C'est ce qu'elles vont mettre en avant. Donc ce qui m'amène à ma seconde partie, les institutrices au travail. Alors, sur une affiche relative aux écoles primaires, le jury d'instruction publique du département du Loiret déclare « Dans notre régime, le plus haut degré d'estime et de considération entourera toujours les instituteurs et les institutrices. » À l'image de ce texte, les discours des autorités révolutionnaires affirment leur considération envers les enseignants et les enseignantes. Pourtant, ces déclarations contrastent avec certains moyens mis en place pour assurer aux instituteurs et aux institutrices publiques des conditions de travail décentes. Cette idée s'observe notamment à travers la question des salaires. Alors, dès les premiers décrets sur l'éducation nationale de Brumaire en 2, il était établi que les institutrices recevaient, à travail égal, un salaire inférieur à celui des instituteurs. Donc il est ainsi stipulé que la rétribution des institutrices était de 15 livres par élève contre 20 livres pour les instituteurs. le décret Bouquier du 29 primaire en 2, décembre 93, conservait cet écart de salaire et fixait un mode de rétribution par trimestre. Nous disposons de lettres de pétition attestant des très grandes difficultés financières des instituteurs et a fortiori des institutrices de l'an 2. Bon, bien sûr, on peut objecter que ces documents sont parfois un peu orientés dans le sens où voilà, on va demander des augmentations, donc on peut penser qu'elles exagèrent un petit peu leur situation économique. Cependant, le nombre très important de ces réclamations et en plus la confrontation de la question des salaires avec les prix des denrées de base, par exemple, démontre un problème certain que les autorités d'ailleurs ne contestent pas. Ainsi, dans une lettre adressée aux autorités municipales de Marseille, donc le 16 Pré-Réal en 2, juin 1794, la citoyenne Ménot démontre en quoi le salaire fixé pour les institutrices pouvait difficilement suffire pour vivre. Affirmant qu'elle est réduite à, je cite, « n'avoir que des herbages pour toute nourriture », elle explique. La Convention nationale a fixé le salaire des institutrices à 15 livres par an pour chaque élève, ce qui est 1 livre et 5 sols par mois. Avec un prix si modique, il est impossible de pouvoir subsister à moins d'avoir 100 écolières. Or, elle estime que ça ne sert à rien de faire classe à plus de 50 écolières, sinon c'est pas possible de gérer la classe et de faire progresser les élèves. Mais avec 50 écolières, il reste pour vivre une fois ôté le loyer, donc, selon la citoyenne, 47 livres, soit en gros 1 livre et 11 sols par jour. Elle en conclut, vous voyez que cela ne peut pas suffire à nourrir, entretenir et élever ses enfants, qui sont au nombre de 3. La citoyenne Ménot demande donc que la Convention augmente le salaire des institutrices au moins à 30 livres pour chaque année et pour chaque élève, donc ça fait en gros 4 livres par jour, car, je cite, il est impossible de subsister à moins. Alors, si le paiement par élève aboutit à des situations économiques très difficiles, surtout pour les institutrices des départements ruraux, hein, il est aussi préjudiciable pour les enseignantes des grandes villes. Donc si on s'appuie sur les registres comportant le nombre d'enfants en conformité avec la loi de Frimaire en 2, les institutrices parisiennes, donc j'en ai répertorié à peu près 115, on remarque que seulement 7 d'entre elles ont plus de 100 élèves. 48 d'entre elles ont moins de 50 et gagnent donc moins de 62 livres par an. Au problème des salaires s'ajoutent les retards de paiement dont se plaignent les instituteurs et les institutrices dans des pétitions collectives. D'ailleurs, il y a beaucoup de pétitions collectives d'institutrices seulement, de Paris. Les comités de bienfaisance, qui ont pourtant en fonction de s'occuper des indigents, sont obligés souvent d'avancer les sommes, d'avancer le traitement des instituteurs, donc en prenant sur l'argent qui était normalement pour les indigents. Cette situation conduit les sections de Paris de rédiger une pétition à la Convention nationale en fruit d'or en 2, exigeant que le traitement des instituteurs et des institutrices, je cite, soit augmenté et surtout porté à une somme déterminée, quel que soit le nombre d'élèves, afin de ne pas détourner les citoyens et les citoyennes instruites du métier d'enseignant. Le décret du 27 Brumaire en 3 donna raison aux sections parisiennes, puisqu'il établit en plus d'un logement un salaire fixe et uniforme sur le territoire de la République pour les instituteurs et les institutrices. Mais à nouveau, l'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes est explicitement affirmée par la loi. Les instituteurs reçoivent par an 1200 livres, tandis que les institutrices n'obtiennent que 1000 livres. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, les hommes reçoivent 1500 livres et les femmes 1200. Dans le contexte de crise économique et de hausse des prix de l'année 1795, si vous voulez, en gros, la livre de pain nécessaire pour une journée était alors à 15 livres à Paris. Or, si on prend le salaire prévu pour les institutrices, on arrive à 3 livres et 20 sous par jour. Donc, on voit la difficulté. Donc, cette fixité des salaires ne résout pas les difficultés financières des institutrices qui sont parfois forcées de démissionner. C'est le cas par exemple de la citoyenne Roger, institutrice de la section de Montreuil à Paris, qui déclare dans une lettre au comité d'instruction publique de novembre 1794 « Législateur, ne pouvant trouver dans le traitement de 1200 livres accordés par la Convention nationale aux institutrices l'existence de 3 personnes, il m'est de toute impossibilité de continuer les écoles primaires. » Mais c'est surtout le retour en arrière, effectué par la loi du 3 Brumaire en 4, 25 octobre 1795, qui va représenter un tournant très défavorable pour les institutrices. Dans un contexte de démantèlement du système social, cette loi met fin à la gratuité de l'instruction et à la rétribution des enseignants et enseignantes par l'État, qui ne garantit plus que le logement. Donc si l'inégalité salariale entre instituteurs et institutrices n'est donc plus en conséquence inscrite dans la loi, le traitement des institutrices fixé par les départements reste bien souvent inférieur à celui de leur homologue masculin. Ainsi, l'administration centrale de la Haute-Saône, en plus de diminuer les salaires des instituteurs par rapport aux années précédentes, sanctionne d'autant plus les institutrices. Il y a cependant quelques exceptions, par exemple le département du Cher, qui dans son règlement prévoit un salaire égal entre hommes et femmes. Il reste que la fin de la gratuité de l'enseignement eut en général des conséquences désastreuses sur la rémunération des institutrices. Par exemple, la citoyenne Cazin de Paris, dans une lettre de février 1797, hein, Ventose en 5, explique que sa classe, qui comportait avant la loi 68 élèves, n'en comporte désormais plus que 30, du fait de l'impossibilité pour les parents de payer. De plus, la délégation auprès des administrations municipales de la gestion des écoles primaires, qui est prévue par la loi de mai 1802, aboutit à des discriminations envers les femmes. Pour vous donner un exemple, la commune de Terrasson en Dordogne, qui dispose de très peu d'argent pour ses écoles, se rend compte qu'elle ne peut pas accorder d'indemnité de logement à la fois à son instituteur et à son institutrice. Et évidemment, elle choisit d'indemniser uniquement l'instituteur. Donc l'institutrice va bien sûr montrer son mécontentement, mais elle n'obtiendra pas gain de cause. Ainsi, au-delà des évolutions législatives relatives au traitement des instituteurs et des institutrices, on peut repérer deux constantes. La première est le décalage entre le discours politique sur l'importance de l'éducation primaire et la réalité des moyens économiques mis en place pour l'organiser. Si on avance généralement comme explication les difficultés financières des régimes d'appel de révolutionnaires, il faut aussi s'interroger sur leurs priorités politiques réelles, notamment sous le directoire. Par exemple, on peut remarquer que les écoles centrales, qui sont mises en place en Brumaire en 4, hein, sous le directoire, pour former une nouvelle élite sociale, ont été privilégiées par la politique directoriale par rapport aux écoles primaires destinées aux enfants. C'est du moins ce qui apparaît notamment quand on compare, par exemple, le traitement des instituteurs et institutrices avec celui des professeurs des écoles centrales, qui ont eu le privilège d'apercevoir un salaire fixe et annuel, équivalent à celui des administrateurs de département, dont j'ai trouvé plusieurs exemples, où ils gagnaient environ 5000 livres par an. Donc c'est 5 fois plus. Cette fonction de professeur des écoles centrales étant réservée aux hommes, il apparaît que la hiérarchisation des établissements publics aboutit à une exclusion des femmes des professions les mieux rémunérés du secteur. La seconde constante observée est l'inégalité des salaires entre les instituteurs et les institutrices, ce qui implique une dévalorisation du travail de ces dernières par rapport à celui des hommes. Cette inégalité, très rarement contestée, est rendue possible notamment par une division des travaux entre les sexes qui existe dans la société et qui force les femmes d'accepter des métiers mal rémunérés pour vivre. Mal payées, les institutrices devaient aussi faire face à de mauvaises conditions matérielles de travail le plus souvent. Dans des lettres et pétitions, elles se plaignent durant toute la période de manquer de locaux convenables, de manquer de manuels scolaires, de meubles et de fournitures nécessaires à la classe. La citoyenne Blattier, institutrice à Paris, envoie ainsi cette lettre aux autorités. Comme la Convention a décrété qu'il serait fourni table, banc, papier, livres, bois, et que je manque absolument de tous ces objets, je vous prie de mettre ou de faire mettre le décret en exécution, fatiguée par toutes les remises, démarches qui me font perdre un temps qui serait mieux employé à l'éducation des enfants. Malgré ce manque de matériel, les institutrices font classe, comme en témoignent notamment les rapports d'inspection des différents organes de surveillance des écoles primaires. Alors, ces organes de surveillance ont évolué durant la période révolutionnaire. Dans le contexte de l'an 2, où la surveillance était conçue comme un instrument collectif de vigilance républicaine, la loi spécifiait que les instituteurs et les institutrices étaient sous la surveillance immédiate des municipalités, mais aussi sous la surveillance de tous les citoyens. Ce rôle fut ensuite confié par la loi de Brumaire en 3 aux seuls jurys d'instruction, puis par la loi de Brumaire en 4 aux administrations municipales. Cette surveillance était relative aux soins des enfants, par exemple, ils veillaient à l'hygiène des classes, etc., savoir si les châtiments corporels étaient bien interdits, hein, parce que c'était spécifié dans le règlement que les châtiments corporels étaient interdits. Ils veillaient bien sûr au contenu des enseignements et à la morale des professeurs. Donc, comme on l'a vu, hein, on attendait des institutrices de bonne mœur, fondées plus sur la réputation que sur des faits avérés. Pour surveiller les mœurs des institutrices, les autorités s'appuyaient à la fois sur leurs propres observations, dans leur inspection, mais aussi sur les dénonciations du voisinage. Cela apparaît clairement dans le cas de la citoyenne Doucet, à Paris, institutrice à Paris, qui accusée par ses voisins de, je cite, mener une conduite peu régulière et tout à fait immorale, puisqu'elle entretiendrait des commerces illicites avec un homme autre que son mari. Dans le registre des délibérations de la Seine, on peut lire à son sujet « Quand bien même les faits qui viennent de nous être exposés n'auraient pas un caractère de vérité. Le simple soupçon d'une immoralité aussi profonde que celle dont est connu le citoyen Doucet ne nous permettrait pas de lui laisser plus longtemps exercer ses fonctions qui exigent des mœurs pures et une conduite sans reproche. » Donc on voit qu'au seul motif d'une mauvaise réputation, les institutrices pouvaient donc perdre leur emploi. De même, si elles ne respectaient pas l'interdiction de la mixité, elles pouvaient voir leurs écoles fermées, sous prétexte justement d'atteinte aux mœurs. L'attention qui était aussi portée au contenu de l'enseignement des institutrices était justifiée dans les discours par la grande influence qu'elles étaient censées détenir sur les enfants. Fixé par la loi, cet enseignement pour les filles se résume à la lecture, à l'écriture, les bases de l'arithmétique, les travaux des livres et la morale républicaine. Si les organes de surveillance veillent à l'application de la loi en son ensemble, on remarque qu'ils prêtent particulièrement attention à l'apprentissage de la couture, censé notamment préparer les filles à leur futur travail domestique. Donc on s'en rend compte par exemple la Canal, qui était chargée par la Convention d'assurer l'application de la loi Brumaire en 3, envoie des questionnaires aux jurys d'instruction, et ben, c'est dans les questionnaires on peut lire la question « Est-ce que les institutrices forment bien aux ouvrages manuels de leur sexe les petites filles ?» Et plusieurs jurys répondent par l'affirmative et confirment cette pratique. Hein. Certains assurant même que des institutrices sont en général plus en état de les instruire à cet égard que de donner tout autre type de connaissances. Mais c'est surtout l'enseignement de la morale civique qui préoccupe le plus les organes de surveillance. En effet, les institutrices de la période révolutionnaire avaient pour fonction principale de participer à l'entreprise de régénération nationale en formant les filles à devenir de futures épouses et mères républicaines qui, à leur tour, devaient transmettre à leurs enfants les principes révolutionnaires. Pour cela, elles devaient appuyer leur enseignement de la lecture sur des manuels recommandés par l'Assemblée nationale, sur la Constitution et sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il était aussi attendu des institutrices qu'elles fassent classe le dimanche, chômer des caddies, et même leurs élèves aux fêtes nationales, pour que notamment ces dernières puissent participer aux cérémonies, en récitant par exemple en public la Déclaration des droits de l'homme, des principes républicains appris en classe, etc. Durant l'an 2, les institutrices étaient aussi vivement encouragées à assister avec leurs élèves à des séances dans des sociétés populaires. Les rapports d'inspection témoignent que dans leur grande majorité, les institutrices remplissent ce rôle politique et disposent des ouvrages exigés. Cependant, des résistances sont aussi perceptibles, notamment de la part d'anciennes religieuses, qui non seulement utilisent des ouvrages de l'ancien régime, mais aussi se refusent à enseigner la morale républicaine, à aller aux fêtes civiques ou encore de faire classe le dimanche. Donc pendant les fêtes civiques, elles ferment les volets des écoles pour bien montrer leur désapprobation. Alors par exemple, il y a les citoyennes Tempier et Pradier, hein, qui sont anciennes religieuses institutrices dans la municipalité de Tonnin, qui déclarent aux inspecteurs qu'ils répugnaient à leur conscience de mettre entre les mains un texte tel que l'acte constitutionnel. Donc elles voient leurs écoles immédiatement fermées. En tout cas. Voilà. Donc cette décision est motivée par les autorités qui fustigent, je cite, « ces institutrices imbues de préjugés qui persistent à écarter des mains de leurs élèves tous ces livres élémentaires où elles pourraient pourtant apprendre de bonne heure les devoirs de filles modestes, de chaste épouse, de bonne mère et surtout de citoyenne. » Alors si on trouve plusieurs cas d'institutrices anti-républicaines, rares sont les sources, enfin du moins je n'en ai pas encore trouvé, sur des enseignantes qui, à partir de la période post-thermidorienne, critique les autorités au nom d'une forme de radicalisme révolutionnaire qui serait contestée depuis le tournant de Thermidor. J'ai cependant trouvé la trace d'une institutrice qui se fait nommer Carmagnole et chez qui les inspecteurs, donc en pleine période directoriale, en Thermidor en 6, en août 1798, découvre un discours de Robespierre et la constitution de l'an 2. Interdite. Pardon ? Interdite. Oui. Interdite. Ah oui, oui, oui. Bien sûr. Interdite. Elle va être punie de mort. Alors là, j'ai pas su si son. Quel a été son cas, malheureusement, parce que ça s'arrêtait. On sait qu'on avait découvert ça, que c'était pas bien du tout, mais j'ai pas su finalement si son école était fermée ou si elle avait été condamnée. On est cependant, en tout cas, loin de la figure de l'institutrice sanguinaire de la terreur, hein, qui est construite par certains discours contre-révolutionnaires. Je vous cite par exemple Madame Ravinet, hein, par exemple dans ses mémoires, qui raconte que son institutrice l'a forcée à regarder valser les têtes sur la guillotine et la battait quand elle fermait les yeux. Une imagerie. Voilà. En tout cas, on peut faire l'hypothèse que si les institutrices militant sous l'an 2 du côté des sans-culottes sont discrètes sous le directoire, c'est bien qu'elles craignent d'être sanctionnées et remises à l'ordre. En témoigne par exemple le parcours d'une institutrice qui se nomme Sophie-Antoinette Lafont et qui, à l'occasion d'une plainte exprimée en l'an 12, 1803, auprès des autorités de son département, à Dordogne, va raconter l'incidence de la Révolution sur sa vie. Enseignante avant 1789 dans des écoles particulières, elle décida à la Révolution de devenir institutrice publique et s'engagea dans ce qu'elle appelle l'esprit de parti du temps de l'effervescence révolutionnaire. Donc elle n'en dit pas plus, mais... Mais par contre, on apprend qu'après la chute de Robespierre, elle dit qu'elle fut l'objet d'un véritable charivari, exposée à des provocations, des insultes dans les lieux publics, afin qu'elle abandonne ses principes pour s'adapter à la nouvelle constitution. Donc on peut imaginer qu'elle était... on va dire proche en tout cas du peut-être de Robespierre ou moins du mouvement sans culottes. Donc on comprend dès lors les pressions qui pesaient sur les institutrices à partir de l'an 3 et qui démontrent bien que le contexte révolutionnaire a profondément politisé ce métier d'enseignant public. Et on arrive à ma conclusion. Alors, dans son manuel, Marie et Caroline, ou les entretiens d'une institutrice avec ses élèves, qui est paru en Lancet en 1799, Marie Wollstonecraft, ma chère Marie Wollstonecraft que je cite souvent, qui fut elle-même institutrice, propose à ses jeunes lectrices l'histoire d'une orpheline, qui décide non pas de se marier, mais de devenir institutrice pour acquérir son indépendance. Donc c'est présenté comme un modèle pour les petites filles, comme une alternative à la maternité et au mariage. Donc sous la plume de Wollstonecraft, cette profession apparaît donc comme un moyen pour transgresser des normes de genre. Cependant, plusieurs éléments relatifs aux pratiques professionnelles des institutrices dont je viens de nous parler nuancent ce point de vue. En effet, les faibles salaires des enseignantes peuvent laisser supposer qu'un grand nombre d'entre elles ne disposaient pas d'une réelle indépendance financière. De plus, ces qualités dites féminines associées au métier d'institutrice, leur absence de formation intellectuelle poussée, tout comme la surveillance morale dont elles furent l'objet, démontrent que cette profession s'appuie sur des normes de féminité construites elles-mêmes par des rapports de domination. Reste que la période révolutionnaire a permis à certaines institutrices de déstabiliser grâce à leur métier ces normes, notamment en acquérant des expériences professionnelles contestataires, comme par exemple les revendications collectives par le biais de pétitions, ou encore en incarnant dans la société et face à leurs élèves filles un rôle politique. Voilà, je vous remercie.